na na woy, woo na na na na na, woo na na woy, woo na na na na na. Je me lève et je vais chez moi, j'allume la musique, écoute un peu de reggae music. Le reggae music reste de la musique et ne connaît pas les frontières du pays. On m'écoute ici, on m'écoute là-bas, on m'écoute en France, on m'écoute en Afrique. Et regarde la Jamaïque, l'île de la Réunion. Ouh nana ouh, ouh nana nana nana, ouh nana ouh. Na na na na na. Un peu de liberté quand je prends le mic. Un peu de liberté quand j'écoute du reggae music. Un peu de liberté quand j'écoute Bob Marley. Ceci est pour tous les opprimés de la terre. Oh na na oh, oh na na na na na, oh na na oh.